الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 10 dans la lecture du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, c'est-à-dire le discernement entre les alliés du shaytan, les alliés de Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, et les alliés du shaytan. Donc, comme le titre l'indique, c'est un livre qui nous apprend à distinguer entre les deux, c'est-à-dire entre les alliés d'Allah et les alliés du shaytan. Et on a lu jusqu'à date les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à les distinguer. Et maintenant, on rentre dans le chapitre suivant. Et dans le chapitre suivant, le cheikh il dit, donc une fois qu'on a su qu'il y a des alliés d'Allah et des alliés du shaytan, donc maintenant, le résultat de ça, c'est quoi, hein? Le résultat, c'est que maintenant, il est obligatoire pour nous de faire la distinction pour ne pas les confondre. Donc, le cheikh, il commence par citer le premier hadith dans ce sujet, et c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, et c'est un hadith sahih, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, قال يعني يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب. Donc on va lire le hadith au complet parce que le cheikh il a divisé le hadith en plusieurs parties pour l'expliquer. Mais nous on va lire en premier le hadith au complet et après inshallah on va expliquer partie par partie le hadith en question. Donc يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. نعم. Donc ça c'est le hadith au complet. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lire maintenant on va traduire ce hadith, puis ensuite on va lire l'explication. Donc, ce hadith est un hadith Qudsi. C'est un hadith Qudsi, ça veut dire que c'est un hadith dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il cite Allah. Il cite la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit que Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, quiconque a de l'animosité contre un de mes alliés, un de mes serviteurs rapprochés, alors c'est comme s'il est sorti pour me déclarer la guerre. Ou bien c'est comme s'il m'avait déclaré la guerre. Ou bien je lui déclare la guerre. Naam. Ou bien je lui déclare la guerre. Naam. Et il dit, et mon serviteur va continuer à se rapprocher de moi. Non, il dit que mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par quelque chose qui est plus aimé que par ce que je lui ai ordonné de faire. Et mon serviteur continuera à se rapprocher de moi en faisant des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aurai aimé, je serai son ouï par lequel il entend, et sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il frappe, et son pied par laquelle il par lequel il marche. Et dans une autre narration, c'est par moi qu'il verra, c'est par moi qu'il entendra, c'est par moi qu'il verra, c'est par moi qu'il frappera, et c'est par moi qu'il marchera. Et s'il me demande, je lui donnerai, et si il cherche refuge en moi, je le protégerai. Et il dit, je n'hésite pas vis-à-vis de quelque chose que je fais, plus que lorsque c'est le moment de prendre l'âme de mon serviteur croyant, parce qu'il déteste la mort et je déteste lui faire du tort, ou je déteste faire ce qu'il n'aime pas, ou qu'est-ce qui lui fait du mal. Et il dit, mais par contre il faut absolument qu'il meure tôt ou tard. On va expliquer de toute façon tous les points qui ont été mentionnés dans ce hadith là. Le cheikh il explique, il dit, وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه ورواه غيره وله طرق كثيرة تقوي بعضها بعضا فيرتفع إلى درجة الصحة ولذلك خرجه البخاري في صحيحه فلا التفات إلى من تكلم في هذا الحديث وعتب على الصحيح وهو حجة عند المسلمين ولا يشكك في صحيحه أو في أحاديث في صحيحه أبدا فهذا الحديث حديث قدسي لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل والقول لله. Donc le cheikh il explique, il dit que ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari dans son sahih et est rapporté également par d'autres narrateurs, et il y a beaucoup de voix par rapport à ce hadith là, c'est-à-dire il a été rapporté par plusieurs rapporteurs et de plusieurs narrations. Et donc le cheikh il dit que toutes ces différentes narrations se renforcent les unes les autres et arrive au degré de l'authenticité. Et c'est pour ça que Al-Bukhari il l'a mentionné dans son sahih, et donc on ne doit pas donner d'importance à celui qui critique ce hadith ou qui blâme qu'il soit dans le sahih. Il dit, et pour les musulmans c'est une preuve, et personne ne remet en question ou doute de son authenticité, ou Yani remet en question les hadiths qui sont dans le recueil de hadiths authentiques de l'imam al-Bukhari. Et ce hadith, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un hadith qui est un hadith qudsi, c'est-à-dire c'est un hadith qui rapporte la parole d'Allah, et c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui le rapporte, qui rapporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, le messager d'Allah dans ce hadith, Allah a dit, قال الله. Et donc ça c'est en même temps une affirmation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui prouve qu'on peut dire que Allah dit ou Allah a une parole, et ça c'est affirmé par le hadith en question et par beaucoup d'autres hadiths et par beaucoup d'autres versets aussi. Ensuite, le cheikh il mentionne la première phrase qui est citée dans ce hadith. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا إعلان من الله سبحانه وتعالى أن الذي يعادي المؤمنين أنه معاد لله عز وجل وأن الله أعلن عليه الحرب مثلما أعلن الحرب على أكلة الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وهل أحد يتيق أن يحارب الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, celui qui s'oppose à un de mes serviteurs rapprochés, Ada, c'est-à-dire il s'oppose à lui ou bien il a de l'animosité envers lui, hein, envers un des serviteurs rapprochés d'Allah, un wali d'Allah. Il s'oppose à ce wali, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui déclare la guerre. Et ça c'est une déclaration de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, que celui qui s'oppose aux croyants, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala s'oppose à lui. Celui qui a une animosité envers les croyants, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a une animosité vis-à-vis de lui aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui déclare la guerre. De la même manière qu'il déclare la guerre à celui qui consomme des intérêts et qui a recours aux intérêts bancaires ou aux prêts. C'est-à-dire aux prêts avec intérêt. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 279, dans Surat al-Baqarah, il dit « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا » si vous ne cessez pas, alors préparez-vous à une guerre que Allah vous déclare, ainsi que son messager. Et donc, est-ce que quelqu'un est capable de supporter de faire la guerre à Allah? Bien entendu, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Le cheikh il dit ensuite, en parlant du hadith, « فَقَدْ آذَنْتُهُ » أي أعلمته بأني محارب له والعياذ بالله لأن الله ينتصر لأوليائه فالذين يقعون في أعراض العلماء الآن ويتنقصونهم ويغتابونهم في المجالس هؤلاء من هذا الصنف من الذين يعادون أولياء الله لماذا؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء فهم ورثة الأنبياء ولما قال ناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء قال الله عز وجل فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc le cheikh il dit فقد آذنته, ça veut dire qu'il sache que je lui déclare la guerre, والعياذ بالله, qu'Allah nous en préserve, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il va défendre et venir au secours de ses serviteurs rapprochés, ceux qui attaquent et qui parle contre l'honneur des savants et des ulama aujourd'hui, et qui les dénigre, et qui les diminue, ou qui parle dans leur dos, dans les assemblées. Ceux-là sont de la catégorie de ceux qui opposent les serviteurs rapprochés d'Allah, et qui ont de l'animosité envers les serviteurs rapprochés d'Allah. Pourquoi? Parce que les ulama de l'islam, les savants de la religion, sont les héritiers des prophètes. Puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rapporté, comme c'est mentionné dans le hadith rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, et Ahmad, et Ibn Hibban, et Al-Bayhaqi, et Al-Bukhari l'a rapporté dans son livre Kitab al-Ilm, dans son Sahih, selon Abu Darda, Mu'allaqan. Donc qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il dit ce hadith, il signifie que les ulama sont les héritiers des prophètes. Donc ce sont eux les héritiers des prophètes, ils héritent de la science que les prophètes ont laissée. Et lorsque à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, certains d'entre les gens ont critiqué les sahaba et ceux d'entre eux qui ont du savoir parmi eux, en disant à leur sujet, nous n'avons jamais vu hein, semblables à nos savants, ceux-là qui ont plus, on n'a pas vu plus peureux, plus gourmands, plus menteurs et plus peureux qu'eux lors de la bataille. Et ça, c'est une parole détestable. Et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset en disant, parce qu'ils ont dit, on ne faisait que plaisanter, on ne faisait que hein, on voulait rire, on voulait juste faire des blagues. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le verset, قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Dit, est-ce à propos d'Allah et de ses versets, قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ, est-ce que c'est d'Allah et de ses versets et de son, de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru, après avoir eu la foi. Donc vous avez commis le kufr après avoir eu la foi en vous moquant des ulama, hein, de l'islam, et en vous moquant d'eux et en disant ce genre de choses à leur sujet. Donc le cheikh il dit, la yajuzu anna l'insan yatakallamu fil ulama ورثت الأنبياء أو ورثت الأنبياء ولو أخطأ من أخطأ منهم من غير قصد أو عن غير قصد فلا يتخذ الخطأ وسيلة للطعن فيه وترخيصه على الناس واغتيابه عند الناس فهذا يجب يتنبه يعني هذا يجب يتنبه له هؤلاء الذين يقعون في أعراض العلماء ويعمرون بها مجالسهم ويوالون ويعادون على هذا لا حول ولا قوة إلا بالله حتى تفرقوا واختلفوا وتعادوا فيما بينهم وهم يزعمون أنهم طلبة علم أو أن بعضهم يزعم أنه شيخ ومن العلماء فهذا من الشيطان في الحقيقة هذا من كيد. Donc le cheikh il dit, donc il n'est pas permis que quelqu'un parle contre les ulama, les savants de l'islam, les héritiers des prophètes, même s'il a fait une erreur involontaire, de prendre cette erreur et d'en faire un moyen pour l'attaquer ou pour le critiquer, hein, et pour le diminuer, hein, devant les gens, et pour parler dans son dos devant les gens. Il dit, il est obligatoire de faire attention à ce genre de choses, parce que ces gens-là, ils attaquent l'honneur des ulama et ils remplissent leurs assises de ce genre de choses, et ils en font un sujet sur lequel ils aiment et ils détestent. Hein? Ils en font un sujet sur lequel ils se basent pour aimer les gens ou les détester. Wala hawla wala quwwata illa billah. Jusqu'au point où ils vont se diviser et diverger entre eux. Hein? Et avoir de l'animosité entre eux à cause de ce genre de choses. Et ils prétendent être des étudiants de science. Ou certains même prétendent être un cheikh parmi les ulama. Et ça, c'est clair que cela vient du shaitan. Et que ça, c'est une ruse du shaitan. Et le cheikh, il dit, وَمَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ أَعْلَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَرْبِ وَمَنْ حَرَبَهُ اللَّهُ فَهُوَ مَخْذُولُ وَلَنْ يَنْتَصِرَ أَبَدًا فهذا فيه التحذير من معاداة أولياء الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith, celui qui prend un de mes rapprochés, un de mes serviteurs rapprochés, et il le déteste ou il a de l'animosité contre lui, alors je lui déclare la guerre. Hein? Je lui déclare la guerre. Allah lui déclare la guerre, et celui contre qui Allah déclare la guerre, c'est certain qu'il est perdant. C'est certain qu'il va pas être, hein, victorieux, jamais. Et il y a donc ici un avertissement contre le fait d'avoir de l'opposition, de l'animosité contre les awliya, contre les alliés d'Allah et les rapprochés d'Allah. فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ أَوْ فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ أَيْ أَعْلَنْتُ عَلَيْهِ الْحَرْبِ وفي الروايتان بمعنى واحد فالروايتان بمعنى واحد أن من عادى أولياء الله فهو محارب لله والله يحاربه. Donc dans une narration il dit بارزني بالحرب أو بالمحاربة, et dans l'autre narration il dit فقد آذنته بالحرب. Le cheikh dit dans les deux sens, dans les deux narrations, c'est la même signification, que quiconque prend un allié ou un rapproché d'Allah comme ennemi, alors il déclare la guerre à Allah et Allah lui déclare la guerre. Et le cheikh dit ensuite, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَدْتُ عَلَيْهِ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني ça c'est une des narrations du hadith. Et il y a une autre narration qui dit وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Et le cheikh il l'a mentionné, c'est la version qui est dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, al-Arba'un al-Nawawiya. Une légère différence entre les deux narrations, mais les deux narrations ont la même signification, et ça veut dire que mon serviteur il se rapprochera de moi, hein, et il ne se rapprochera pas de moi par quelque chose de mieux que de faire ce que je lui ai ordonné, et il continuera à se rapprocher de moi en faisant des actes surérogatoires supplémentaires, hein, qui ne sont pas obligatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Hein? Donc quand tu fais ce que Allah t'ordonne, hein? Allah il aime quand tu fais les choses qu'il t'ordonne, il n'y a pas quelque chose que Allah préfère plus que de faire ce qui est ordonné. Puis une fois que tu as fait ce qui est ordonné et que tu continues à faire plus d'actes d'adoration par-dessus ce qui est obligatoire, tu fais des actes supplémentaires ou surérogatoires, et bien là, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala il va t'aimer à cause de ça. Et le cheikh il explique cette partie du hadith. Il dit هذه صفات اولياء الله انهم يتقربون الى الله. لما ذكر التحذير من معاداة اولياء الله, من هم اولياء الله؟ هم هؤلاء الذين يتقربون الى الله باداء الفرائض ثم بالنوافل. وما تقرب الي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, وهذا فيه الحث على أداء الفرائض التي فرضها الله, وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها, لأن الفرائض هي الأساس, فمن ضيع الفرائض فإن النوافل لا تنفعه, لأنه يبني على غير أساس. لو أن الإنسان يقوم الليل كله, يعني كل الليل يقوم يتهجد ويبكي, لكنه لا يحافظ على الفرائض, يعني يضيع الفرائض الصلوات الخمس, فعمله يصبح هباء منثورا, تعب بلا فائدة. فإذا حافظ على الفرائض فإنه يأتي بالنوافل, لأنه أتى بالأساس الذي يبني عليه. والفرائض أحب إلي أو أحب إلى الله من النوافل. يعني donc on va traduire cette partie, après on va voir la suite. Le cheikh il dit ça c'est les caractéristiques des gens qui sont des awliya d'Allah, hein, des rapprochés d'Allah. Et leur caractéristique c'est quoi? C'est qu'ils se rapprochent d'Allah justement. Et il y a donc, après avoir mentionné la mise en garde contre ceux qui s'opposent, hein, contre ceux qui s'opposent aux alliés d'Allah et aux rapprochés d'Allah, il faut maintenant savoir qui sont les alliés d'Allah, qui sont les awliya, hein, qui sont les awliya d'Allah. Le cheikh il dit ce sont ceux qui se rapprochent d'Allah en faisant les actes obligatoires, les actes obligatoires dans la religion. Une fois qu'ils ont fait les actes obligatoires, ils font les actes supplémentaires, les nawafil, les actes surérogatoires. En arabe, on dit les actes obligatoires fara'id. C'est le pluriel de fard. Et les actes surérogatoires, on dit nawafil. C'est le pluriel de nafila. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne la parole d'Allah dans ce hadith lorsque Allah dit: et mon serviteur ne se rapproche pas par quelque chose plus aimé de moi que ce que je lui ai ordonné de faire. Et donc ça ici, il y a dans ce hadith l'incitation à faire les actes obligatoires que Allah a ordonné. Et il dit ensuite, comme c'est mentionné dans un autre hadith rapporté par Al-Bayhaqi et Al-Tabarani dans Al-Kabir, selon Abi Tha'laba. Et ce hadith est aussi rapporté dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha. Allah a ordonné des choses obligatoires, alors ne les perdez pas, ne les gaspillez pas. Hein? C'est-à-dire ne les négligez pas. Et il dit donc les actes obligatoires, c'est la base. C'est la base de tes actions. Donc celui qui a négligé la base, les actes obligatoires, alors le fait de faire des actes surérogatoires ne sera pas profitable pour lui. Il dit pourquoi? Parce que il n'a pas de base, il n'y a pas de fondation. Donc les actes obligatoires, c'est la fondation pour lui. S'il n'a pas de fondation, sur quoi il va bâtir? Il va bâtir sans fondation sa maison. Donc il dit par exemple, supposons que quelqu'un, il va prier toute la nuit. Il va faire des prières, il va prier toute la nuit. Il va faire tahajjud. Il prie la nuit, il pleure. Mais il ne fait pas les prières obligatoires pendant la journée. Les 5 prières par jour obligatoires, il ne les fait pas. Mais il prie la nuit, toute la nuit il prie. Le cheikh, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Il dit ça là, ces actions là, les actions de cette personne, ils deviennent comme de la poussière éparpillée par le vent. C'est de la fatigue sans aucun profit de la part de cette personne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait les actes obligatoires. Donc il dit, la personne, si elle fait les actes obligatoires là, par la suite, oui, elle peut faire les actes surérogatoires. Parce qu'il a fait déjà qu'est-ce qu'il y a à la base. Et il va bâtir sur sa fondation. Donc dans ce cas-là, c'est correct. Et le cheikh, il dit, parce que les actes obligatoires sont plus aimés d'Allah que les actes surérogatoires. Allah préfère plus les actes obligatoires que les actes surérogatoires. C'est pour ça, des fois, je disais aux frères, il y a des gens, par exemple, pendant le Ramadan, si c'est le Tarawih, ils arrivent après l'Isha et puis ils viennent pour faire le Tarawih. Il dit, subhanallah, c'est bien de faire le Tarawih, mais faire l'Isha c'est mieux. Si tu viens, tu fais l'Isha en jama'a, après tu pars, c'est mieux que si tu viens, puis tu manques l'Isha puis tu fais le Tarawih seulement. Pourquoi? Parce que le Isha, il y a plus d'importance parce que c'est la prière obligatoire. Tandis que le Tarawih, c'est très méritoire de le faire et il y a beaucoup de récompenses à le faire. Mais si tu n'as pas fait l'obligation, c'est moins méritoire que la prière obligatoire. Donc al-fara'id, c'est plus aimé. Les actes obligatoires, c'est plus aimé d'Allah que les nawafil, que les actes surérogatoires. Et le cheikh dit: إذا كنت تريد محبة الله لك فتأتي بما يحبه الله وهو الفرائض التي أوجبها الله على عباده وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه فيه الترغيب في النوافل ولكن بعد أداء الفرائض. Donc le cheikh dit, si tu veux que Allah ait de l'amour pour toi, Tu veux que Allah ait de l'amour pour toi? Alors tu fais ce que Allah aime, c'est-à-dire les fara'id. Et une fois que, yani, il a rendu les fara'id obligatoires pour ses serviteurs, puis il dit ensuite, et mon serviteur, il continuera de se rapprocher de moi, hein, par les actes surérogatoires. Et ça, c'est pour t'inciter à faire les nawafil, les actes surérogatoires, mais après, bien entendu, après avoir fait les actes obligatoires dans la religion. Et il dit, hatta uhibba, jusqu'à ce que je l'aime. فدل على أن أداء الفرائض وفعل النوافل سبب لنيل المحبة لنيل محبة الله للعبد وهذه هي الولاية الولي هو المحبوب الله يحب من هذه صفته يحافظ على الفرائض ثم يتبعها بالنوافل فالصلاة لها نوافل فالصلاة لها نوافل والزكاة لها نوافل والصيام له نوافل والحج له نوافل وكل شيء من الفرائض له نافلة من جنسه والأساس هو الفرائض وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Donc le cheikh il dit, donc mon serviteur continuera de se rapprocher à moi jusqu'à ce que, hein, par des actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et ça c'est la preuve que de faire les actes obligatoires et de faire les actes surérogatoires, c'est un moyen pour obtenir l'amour d'Allah. Hein, c'est un moyen pour que le serviteur obtienne l'amour d'Allah. Et ça, c'est al-walaya. C'est ça al-walaya, en fait. C'est ça qui fait de toi que tu deviens un wali d'Allah. Tu fais les actes obligatoires et tu fais les actes surérogatoires aussi. Allah, il t'aime. Et al-wali yuhu al-mahboub. Al-wali, celui qui est un wali, c'est celui qui est aimé d'Allah. C'est ça al-wali. Hein? Le wali, c'est celui qui est aimé d'Allah. Et al-walaya, c'est l'amour d'Allah pour quelqu'un. Il devient wali quand il est aimé d'Allah. Et le shaykh, il dit, Allahu yuhibbu man hadhihi sifatuh. Allah aime celui dont, Allah aime celui qui a la caractéristique suivante. Il préserve les actes obligatoires et il les fait suivre par les actes surérogatoires. Et il explique que chacun des piliers de l'islam a un côté obligatoire, hein, chacune des adorations parmi les piliers de l'islam, ils ont un côté obligatoire et un côté surérogatoire aussi. Donc il dit par exemple la salat c'est les 5 prières obligatoires et il y a les nawafil qui sont reliés aux salat. Hein, c'est-à-dire les prières surérogatoires que tu peux faire pendant la journée, hein, et toutes les autres prières que tu peux faire pendant la journée qui ne sont pas obligatoires, ça c'est des nawafil. La zakat, elle a aussi des nawafil. La zakat, c'est le montant qui est obligatoire que tu dois donner, hein, si tu as atteint le nisab et que ton argent a tourné pendant une année, c'est-à-dire tu l'as gardé, cet argent tu l'as économisé pendant une année sans y toucher, alors là tu fait sortir la zakat sur cet argent-là à la fin de l'année. Hein? Et tu la donnes aux pauvres. Ça, c'est l'obligation. Maintenant, il y a des sadaqat que tu peux faire pendant toute l'année et il n'y a pas de limite que tu peux donner à des gens qui sont dans le besoin ou qui sont pauvres ou pour aider les gens. Hein? Ou pour aider des causes, hein, islamiques ou des choses qui sont, hein, pour la religion ou pour autre. Donc, ça, c'est des nawafil, on peut dire c'est des actes surérogatoires qui sont reliés à la sadaqa et à la zakat. Il y a aussi le jeûne obligatoire du mois de Ramadan et il y a aussi les nawafil du jeûne, c'est-à-dire de jeûner pendant le reste de l'année les jours qui sont recommandés, hein? Et ça c'est des nawafil par rapport au jeûne. Il y a aussi les nawafil par rapport au hajj. Quelqu'un il fait le hajj une fois dans sa vie, mais s'il veut, il peut le refaire plusieurs fois, ou bien il peut aussi faire la Umrah, et ça c'est considéré comme des nawafil. D'accord? Donc toute chose qui est obligatoire, il y a des choses recommandées et surérogatoires qui sont de la même catégorie que cette obligation dans la religion. Et par contre, la fondation, c'est les choses obligatoires. Et la base, c'est les choses obligatoires. Et il dit, وَمَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Hein? Donc mon serviteur continue toujours de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Le cheikh il dit, فهذا الحديث فيه بيان من من هم أولياء الله وفيه أن الله عز وجل يدافع عنهم. Donc dans ce hadith il y a le fait que Allah clarifie qui sont les awliya d'Allah, qui sont les serviteurs rapprochés d'Allah que Allah aime. Et il y a également dans ce hadith la clarification que Allah subhanahu wa ta'ala défend ses serviteurs rapprochés. En ce qui concerne, le cheikh il dit amma man hum awliya Allah faqad bayyanahum biqawlihi subhanahu wa ta'ala wama تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فدل هذا على أن ولي الله هو الذي يتقرب إلى الله بالطاعات يعني فرائضها أو فرائضها ونوافلها وهذا مطابق للآية على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني فليست الولاية دعوة ولا يقال فلان ولي لأن عنده كرامات أو خوارق حتى ينظر عمله هل هو عمل صالح موافق للشرع فهو ولي لله أو فهو ولي الله. وهذا الحديث فصل في هذه المسألة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه الواجبات حتى أحبه فيه أن الله يحب أولياءه والمحبة من صفات الله الثابتة له سبحانه وتعالى فهو يحب ويبغض ويكره ويسخط ويرضى ويغضب كل هذه من صفاته سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وليست كصفات المخلوقين كسائر الصفات. Donc le cheikh il dit que ce hadith explique donc qui sont les alliés d'Allah, les rapprochés d'Allah, les aimés d'Allah. Qui sont-ils les awliya? Les awliya sont expliqués dans ce hadith lorsqu'il dit mon serviteur se rapproche de moi, il ne se rapproche pas de moi par quelque chose plus aimé de moi que ce que je lui ai ordonné de faire et il continue à se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Ça c'est la preuve que le wali, c'est celui qui se rapproche d'Allah par les actes d'obéissance, soit qu'elles soient obligatoires ou qu'elles soient surérogatoires. Et ça c'est en accord avec le verset 62 et 63 dans Sourate Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Certes, les alliés d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah, n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. »« Alladhina amanu wa kanu yattaqun » Ceux qui ont cru et qui se préserve d'Allah et de son châtiment, hein, en faisant ce que Allah ordonne et en s'abstenant de ce qu'il interdit. Donc, c'est ça al-wali, c'est ça le wali en islam. Donc, il dit le cheikh que le fait d'être un wali, c'est pas quelque chose qu'on prétend comme ça. C'est pas quelque chose qu'on dit, moi je suis un wali, ou un tel c'est un wali. Hein, jusqu'à ce que tu Yani vérifie ses œuvres et ses actions, est-ce qu'elles sont en accord avec la révélation et la religion. Il dit ici, un tel, il dit c'est un wali, et il dit ça juste parce que lui il fait des miracles ou il fait des actes extraordinaires ou des prodiges, et il utilise ça comme un prétexte pour se prétendre un wali, un rapproché d'Allah, un aimé d'Allah, alors que ses œuvres sont en contradiction avec la religion. Alors on va dire, non, cette personne-là, c'est pas un wali. Hein? Il fait pas la salat. Hein? Il fait du sihr. Il fait des bid'a, des innovations. Il contredit la sunna. Puis il dit qu'il est un wali. Non, ça c'est pas possible. Hein? Et c'est pour ça que ce hadith, il vient trancher et il vient nous expliquer qui est le wali. Hein? D'une façon claire, il dit, mon serviteur se rapproche pas de moi par quelque chose plus aimé de moi que ce que je lui ai ordonné de faire, c'est-à-dire les actes obligatoires. Puis il continue de se rapprocher de moi jusqu'à ce que, hein, par des actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et il y a ici la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala aime ses alliés et ses serviteurs rapprochés. Et que l'amour est une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui sont affirmés. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. De même que Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il a l'attribut de al-bughd. Il déteste aussi, hein, yakrah, wa yaskhut, également il déteste, il se met en colère aussi contre certaines personnes et contre certaines choses. Et il a la satisfaction aussi, yarda, il a arreda, ça fait partie de ses attributs, hein, wa yardab, il se met en colère. Donc toutes ces caractéristiques là sont des attributs d'Allah qui conviennent à sa majesté, hein, et ce ne sont pas des attributs qu'on peut comparer à celles des créatures. C'est-à-dire que l'amour d'Allah, c'est l'amour d'Allah. Et l'amour des créatures, c'est l'amour des créatures. La colère d'Allah, c'est la colère d'Allah. Elle correspond à sa perfection et à sa grandeur. Tandis que la colère des créatures, elle correspond à la créature. Peut-être que pour une créature ou pour une personne, quand il se met en colère, c'est pas une chose louable. C'est pas une qualité. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un compagnon ou à une personne, la tardab, ne te mets pas en colère. Ça, c'est la colère des créatures, parce que la colère des créatures, hein, elle lui fait perdre la raison, elle lui fait perdre la tête, et il va faire des actes quand il est en colère qu'il regrette par la suite. La colère d'Allah, elle n'est pas comparable aux colères des créatures, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, sa colère, elle est parfaite. Hein? C'est une colère qui correspond à sa perfection, à sa majesté, à sa grandeur. Donc on affirme ces attributs-là comme elles conviennent à Allah. Hein? Et on dit, comme Allah il l'a mentionné, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. D'accord? Donc il ne faut pas s'abstenir d'attribuer ces choses-là à Allah parce que on prétend, comme certains égarés ou certains parmi les innovateurs, comme les Asha'ira et les Maturidiya, ils disent non, il ne faut pas dire que Allah il a la colère ou que Allah il a l'amour. Ça, c'est des attributs présents chez les créatures, chez les êtres humains. Si tu dis ça, tu fais ressembler Allah à sa création. On dit non, c'est pas vrai. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit de cette manière. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux comment se décrire. Et le fait d'affirmer ces attributs-là à Allah subhanahu wa ta'ala n'implique pas que ces attributs-là chez Allah soient comparables ou semblables à ce qu'elles sont chez les créatures. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Rien n'est comparable à lui. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Hein? Il n'y a rien qui lui soit comparable ou qui lui soit égal. Non. Donc, ensuite, le cheikh il dit, وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْطِشُ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Donc ça, c'est la suite du hadith. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter ici. La suite du hadith, on l'explique demain, inshallah. Hein? Parce que la prière, c'est dans pas grand temps. Puis si on commence à l'expliquer maintenant, peut-être on n'aura pas le temps de compléter. Donc on s'arrête ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.